La Croix écarlate, par Lily Thomas Meade et Robert Eustace. Au mois de novembre de l'année 1899, je me trouvais invité dans la demeure de l'un de mes plus anciens amis, George Rowland. Sa magnifique propriété du Yorkshire était un lieu de villégiature idéal. On la nommait la Folie Rowland, et elle avait été bâtie sur le site d'une ancienne habitation sous le règne de George Ier. La maison était à présent pourvue de tout le luxe moderne. Elle faillit pourtant coûter à son premier propriétaire, sinon la totalité de sa fortune, du moins le plus précieux joyau de la famille. Il s'agissait d'un collier de perles d'une valeur presque fabuleuse. Un certain Geoffrey Rowland l'avait obtenu comme butin lors de la bataille d'Azincourt. Il avait appartenu à l'origine à l'un des ducs de Gênes et avait même été un temps entre les mains du pape. Dès l'instant où Geoffrey Rowland prit possession du collier, plusieurs tentatives furent faites pour le lui dérober. Le fer, le feu, l'eau, le poison, tout avait été employé, mais en vain. Le collier, avec ses 80 perles lisses, symétriques, piriformes, d'un blanc translucide et au lustre discrètement irisé, était toujours en possession de la famille et devait y rester, comme le dit George Rowland, jusqu'à la fin des temps. Chaque nouvelle épouse portait le collier le jour de ses noces, après quoi on le déposait dans la chambre forte pour, en règle générale, ne plus le revoir jusqu'au mariage suivant. On estimait grossièrement la valeur des perles entre 2 et 3 000 livres chacune, mais la valeur historique du collier le plaçait presque au-delà des rêves les plus fous. On rapporta qu'à l'automne de cette même année, un millionnaire américain avait offert de le racheter à la famille au prix qu'elle fixerait, mais comme nulle proposition ne fut écoutée, les négociations échouèrent. George Rowland appartenait à la plus ancienne et la plus fière famille du West Riding, et nul homme n'avait plus l'allure d'un gentleman ni ne paraissait plus apte à maintenir les anciennes traditions que lui. Il était fier de se vanter que, depuis les temps les plus reculés, nulle tache de déshonneur n'avait souillé sa maison, que les femmes de la famille valaient les hommes, leur sang pur, leur morale irréprochable, leurs idées élevées. Je me rendis à la Folie Rowland, en novembre, et trouvai Lady Kennedy, l'unique sœur de Rowland, une hôtesse agréable, hospitalière et enjouée. Antonia Ripley était cependant le centre de toutes les attentions. Rowland était fiancé à Antonia, et leur histoire était romanesque. Lady Kennedy me raconta tout. « C'est une fille sans le sou et sans famille, » fit remarquer la brave dame, d'un ton quelque peu cassant. « Je ne conçois pas ce qui a bien pu passer par la tête de George. « Comment votre frère l'a-t-il rencontré ? » demandai-je. « Nous étions tous deux en Italie l'automne dernier. Nous séjournions à Naples, à l'hôtel Vésuve. Une dame anglaise du nom de Studley y résidait. Elle est morte pendant que nous étions à l'hôtel. Elle avait à sa charge une jeune fille, cette même Antonia, qui était présent fiancée à mon frère. Avant de mourir, elle nous supplia de lui venir en aide, disant que l'enfant était sans argent et sans amis. La fortune de Madame Studley s'est éteinte avec elle. Nous promîmes, ne pouvant faire autrement. George en tombe amoureux presque au premier regard. On pourvut aux besoins de la petite Antonia en la fiançant à mon frère. Je n'ai rien à dire contre cette jeune fille, mais je déteste au plus haut point ce genre d'union. D'ailleurs, elle est plus étrangère qu'anglaise. Miss Ripley ne peut-elle rien vous dire de ses origines ? Rien. Sinon que Madame Studley l'a adoptée alors qu'elle était une toute petite enfant. Elle dit aussi avoir le vague souvenir d'un grand bâtiment bondé de monde et d'un homme qui lui tendait les bras et que l'on emmena de force. C'est tout. C'est une enfant tout à fait gentille et aimable, avec des manières touchantes et un visage boudeur. Mais personne ne connaît ses origines. Ah, vous voilà, Antonia. Qu'a-t-il encore ? La jeune fille traversa la pièce d'un pas léger. Elle ressemblait à un jeune faon, le teint maté lisse, les yeux sombres et d'une beauté mystérieuse, avec cette démarche gracieuse qui est rarement l'apanage des jeunes anglaises. Ma robe de dentelle est arrivée, dit-elle. Markham est en train de la déballer, mais le corsage est très décolleté. Lady Kennedy fronça les sourcils. Vous êtes trop bête, Antonia. Pourquoi ne voulez-vous pas vous vêtir comme les autres jeunes filles ? Je vous assure que cette manie que vous avez de toujours porter vos robes du soir montantes ennuie George. Vraiment ? Répéta-t-elle. Elle recula d'un pas, porta la main à son cou juste sous la gorge, une habitude constante chez elle, comme j'eus plus tard l'occasion de le constater. « Cela le dérange beaucoup, » dit Lady Kennedy. « Il m'en a parlé hier encore. Comprenez bien, Antonia, qu'au bal, vous ne pourrez en aucun cas porter une robe montant jusqu'au cou. Ça ne sera pas permis. Je serai convenablement vêtue le soir du bal, répliqua la jeune fille. Son visage devint cramoisi, puis d'une pâleur mortelle. Il n'en reste que 15 jours, mais je serai prête. Il y avait une certaine solennité dans ses paroles. Elle se retourna et quitta la pièce. Antonia a un caractère très difficile, dit Lady Kennedy. Pourquoi ne veut-elle pas agir comme les autres? Elle fait tant d'histoires pour porter une robe de soirée convenable qu'elle met ma patience à rude épreuve, mais elle est bourrée de lubies. Une adorable petite personne, malgré tout, fut ma réponse. Oui, les hommes l'apprécient beaucoup. Peu après, alors que je me promenais sur la terrasse, je rencontrai Miss Ripley. Elle était assise dans un fauteuil bas. Je remarquai combien elle paraissait petite, mince et jeune, et combien l'expression de son petit visage était boudeuse. Quand elle m'aperçut, elle parut hésiter, puis vint à mes côtés. « Puis-je me promener avec vous, Monsieur Drousse ?» demanda-t-elle. « Je suis tout à votre service, » répondis-je. « Où allons-nous ? » ?»« Peu importe. Je voudrais savoir si vous accepteriez de m'aider. »« Certainement, si je le puis, Miss Ripley. » »« C'est de la plus haute importance. Je dois aller à Londres. » »« Cela ne doit sûrement pas être bien difficile. » Ils ne me laisseront pas y aller seul, et ils seront tous deux très occupés. Je viens d'envoyer un télégramme à une amie. Je veux la voir. Je sais qu'elle me recevra. Je voudrais y aller demain. Oserais-je vous demander d'être mon escorte? Ma chère Miss Ripley, certainement, dis-je. Je vous accompagnerai avec plaisir. Il le faut, dit-elle à voix basse. J'ai trop longtemps attendu. Quand je l'épouserai, il ne faudra pas qu'il soit déçu. Je ne vous comprends pas, dis-je, mais je vous accompagnerai avec la meilleure volonté. Elle sourit. Et le jour suivant, à ma propre stupéfaction, je me retrouvai en première classe pour Londres avec la petite Miss Ripley pour compagne. Ni Rowland ni sa sœur n'avaient approuvé, mais Antonia avait obtenu ce qu'elle voulait et le fait que je l'escortais avait aplani quelques difficultés. Durant notre voyage, elle se pencha vers moi et dit à voix basse « Avez-vous déjà entendu parler de cette femme si merveilleuse, cette grande dame, Madame Sarah ?» Je la regardai attentivement. J'ai très certainement entendu parler de Madame Sarah, dis-je en forçant le ton, mais j'espère sincèrement que vous n'avez rien à faire avec elle. Je la connais depuis presque toute ma vie, dit la jeune fille. Madame Studley la connaissait aussi, je l'aime beaucoup, je lui fais confiance, c'est elle que je vais voir. Que voulez-vous dire? C'est à elle que j'ai télégraphié hier. Elle me recevra, elle m'aidera. Je rentre ce soir à la Folie. Auriez-vous la bonté de me raccompagner? Certainement. À la gare de Houston, je fis monter ma protégée dans un hansom, convenant de la retrouver sur le quai de départ à 6h20 ce soir-là. Puis, prenant un autre hansom, je filai aussi vite que possible à l'adresse de Vandeleur. Vers la fin de mon trajet, un désir soudain, presque inexplicable, de consulter Vandeleur s'était emparé de moi. J'eus la chance de trouver cet homme des plus affairés chez lui et disponible. Il laissa échapper une exclamation de plaisir, quand mon nom fut annoncé, puis s'avança vers moi, la main tendue. « J'allais justement vous télégraphier, Drousse, » dit-il. « D'où sortez-vous donc ?»« D'un lieu qui n'est autre que la Folie Rowland, » fut ma réponse. « De plus en plus étonnant. »« Alors, vous avez rencontré Miss Ripley, la fiancée de George Rowland ?»« Vous avez appris les fiançailles, Vandeleur ?»« Qui peut encore ignorer l'événement ?»« Quelle sorte de jeune personne est-ce ?»« Je peux vous renseigner, car j'ai fait le voyage avec elle jusqu'à la ville. » Il garde le silence un instant, manifestement en pleine réflexion, puis, tirant une chaise près de la mienne, il s'assit. « Depuis quand êtes-vous à la Folie Rowland ?» demanda-t-il. « Près d'une semaine. Je dois y rester jusqu'après le mariage. Je considère Rowland comme un homme chanceux. Il épouse une adorable petite personne. Vous croyez ? À propos, avez-vous remarqué quelques particularités chez elle ? Seulement qu'elle est singulièrement aimable et séduisante. Mais une habitude, je vous prie. Réfléchissez bien. » avant de me répondre. Vraiment, Vandeleur, vos questions me surprennent. La petite Miss Ripley est une personne qui a des idées et qui n'a pas honte de s'en tenir à ses principes. Vous savez, bien sûr, que dans une maison comme la Folie Rowland, il est d'usage que les dames viennent dîner en grande toilette. Eh bien, Miss Ripley ne se plie pas à cette mode et porte ses robes montantes jusqu'au cou, aussi gaie et festive que soit l'occasion. Ah, cela ne semble pas bien important, n'est-ce pas? Je ne suis pas tout à fait de votre avis. On a fait pression sur la jeune fille pour qu'elle se conforme aux usages, et Lady Kennedy, une femme qui pourrait être sa mère, est tout à fait inflexible sur ce point. Mais la jeune fille s'en tient à sa décision. Absolument, bien qu'elle promette de céder et de porter la tenue de circonstance au bel donné en son honneur une semaine avant le mariage. Wendler resta silencieux près d'une minute, puis, baissant la voix, il dit lentement. « Miss Ripley a-t-il jamais mentionné en votre présence le nom de notre ennemie commune, Madame Sarah ?»« Comme c'est étrange ce que vous demandez là. » Durant notre trajet vers la ville aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle connaissait cette femme. Elle la connaît depuis presque toujours. Pauvre enfant, elle l'aime même. Wendler, cette jeune fille est avec Madame Sarah en ce moment même. Ne vous alarmez pas, Drousse. Il n'y a pas de danger immédiat. Mais autant vous dire que par mes agents secrets, j'ai fait des découvertes qui montrent que Madame Sarah a un autre fer au feu, qu'une fois de plus, elle se prépare à bouleverser la haute société et que la petite Miss Ripley en est la victime. Vous devez vous tromper. J'en suis si certain que j'ai besoin de votre aide. Vous retournez à la Folie Rowland ce soir. Et Miss Ripley, elle vient avec moi. Nous nous retrouvons à Houston pour le train de 6 heures. Jusqu'ici, tout va bien. À propos, Rowland, vous a-t-il parlé récemment du collier de perles ? Non. Pourquoi cette question ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait l'intention de faire légèrement modifier et remonter les perles afin de les ajuster au cou délicat de Miss Ripley, ainsi que de faire apposer un fermoir en diamant à la place de celui, quelque peu précaire, qui est actuellement attaché au collier. Messieurs Theodore et Mark de Bond Street devaient se charger de l'ouvrage. Tout était prêt et un messager, accompagné de 2 détectives, devait se rendre à la Folie Rowland pour chercher le trésor quand tout a été annulé. Rowland ayant changé d'avis et décidé que la chambre forte de la Folie était le meilleur endroit où conserver le collier. Il ne m'a pas parlé de cela, dis-je. Comment le savez-vous? J'ai mes émissaires. Une chose est certaine, la petite Miss Ripley doit porter les perles le jour de son mariage, et la femme italienne, lointain parent de l'actuel duc de Gênes, à qui les perles appartenaient et à qui elles furent volées peu avant la bataille d'Azincourt, prend à nouveau des mesures actives pour les récupérer. Vous avez entendu l'histoire du millionnaire américain? Eh bien, c'était un leurre. Le collier devait en réalité être libéré entre les mains de l'ancienne famille dès qu'il l'aurait acheté. Maintenant, Drousse, voici l'état des lieux. Madame Sarah est une aventurière et la femme la plus intelligente du monde. Miss Ripley est très jeune et ignorante. Miss Ripley doit porter les perles le jour de son mariage et Madame Sarah les veut. Vous pouvez déduire le reste. Que voulez-vous que je fasse? Demandai-je. Retournez-y et surveillez. Si vous voyez quoi que ce soit qui éveille vos soupçons, télégraphiez-moi. Et si j'en parlais à Rowland? Je préférais ne pas le consulter. Je veux protéger Miss Ripley et en même temps prendre Madame Sarah à mon propre piège. Elle a réussi à nous échapper la dernière fois, mais pas cette fois-ci. Mon idée est de l'attirer à sa perte. Mais Drousse, de jour en jour, cette femme est de plus en plus écoutée, courtisée et admirée. Elle fait appel aux plus grandes faiblesses du monde. Elle connaît quelques secrets précieux et est experte dans l'art de restaurer la beauté et de vaincre, dans une certaine mesure, les ravages du temps. Elle est actuellement aidée par un arabe, l'un des hommes les plus dangereux que j'ai jamais vu, avec la subtilité d'un serpent et de la prestidigitation dans chacun de ses 10 doigts. Ce n'est pas une chose aisée que de la piéger. Et pourtant, vous comptez le faire? Un jour, peut-être maintenant. Ses yeux brillaient. Je l'avais rarement vu aussi exalté. Peu de temps après, je le quittais. Miss Ripley me rejoignit à Houston. Elle était silencieuse, distante et paraissait abattue. Une fois, je la vis porter la main à son cou. « Souffrez-vous ? » demandai-je. « On vous prendrait pour un médecin, monsieur Drousse, à entendre votre question. »« Mais, répondez-moi, » insistai-je. Elle resta silencieuse un instant, puis dit lentement. « Vous êtes bon et je crois que je devrais vous le dire. » Mais garderez-vous cela secret? Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne porte pas de robe décolletée le soir. Je vais vous le dire. Sur mon cou, juste sous la gorge, poussait une verrue ou un grain de beauté, gros, brun et laid. Les médecins italiens ne voulaient pas l'enlever à cause de son emplacement. Il se trouve juste au-dessus de ce qu'ils appellent une artère aberrante, et l'ablation pourrait causer une hémorragie très dangereuse. Un jour, Madame Sarah l'a vu. Elle a dit que les médecins avaient tort et qu'elle pouvait facilement l'ôter sans laisser de marque. J'ai longtemps hésité, mais hier, quand Lady Kennedy m'a parlé comme elle l'a fait, j'ai pris ma décision. J'ai télégraphié à Madame Sarah et je suis allé la voir aujourd'hui. Elle m'a mis sous chloroforme et a enlevé le grain de beauté. Mon cou est bandé et cela me picote un peu. Je ne dois pas retirer le bandage avant qu'elle ne me revoie. Elle est très satisfaite du résultat et dit que mon cou sera désormais aussi beau que celui des autres femmes et que je pourrai, le soir du bal, porter la ravissante robe de dentelle de Bruxelles que Lady Kennedy m'a offerte. Voilà mon secret. Le respecterez-vous ? Je le promis, et peu après nous arrivâmes au terme de notre voyage. Quelques jours s'écoulèrent. Un matin, au petit déjeuner, je remarquai que la petite signora boudait sa nourriture. Une lettre ouverte reposait à côté de son assiette. Rowland, au côté de qui elle était toujours assise, se tourna vers elle. « Qu'y a-t-il, Antonia ? Avez-vous reçu une mauvaise nouvelle ? Elle est de... qui, ma chère ? De Madame Sarah. »« Qu'ai-je entendu ? » s'écria Lady Kennedy. « J'ai reçu une lettre de Madame Sarah, Lady Kennedy. »« Cette intrigante du Strand, cette aventurière ? Ma chère, est-il possible que vous la connaissiez ? Son nom est sur toutes les lèvres. Elle est célèbre. » Aussitôt la pièce s'emplit de voix, certaines parlant fort, d'autres doucement, mais toutes louant Madame Sarah. Même les hommes prirent son parti. Quant aux femmes, elles étaient unanimes sur ses charmes et son génie. Au milieu de cette agitation, la petite Antonia fondit en larmes et quitta la pièce. Rowland la suivit. Ce qui se passa ensuite, je ne saurais le dire, mais dans le courant de la matinée, je rencontrai Lady Kennedy. « Eh bien, dit-elle, cet enfant a gagné, comme je le savais. » Madame Sarah souhaite venir ici, et Georges dit que l'ami d'Antonia doit être invité. Je serai heureuse quand ce mariage sera passé, que je pourrai partir d'ici. Il est vraiment détestable que dans les derniers jours de mon règne, je doive donner à cette femme l'accès à la maison. Elle me laissa, et j'irai dans le vestibule. J'y vis Rowland. Il tenait à la main un formulaire de télégramme sur lequel quelques mots étaient écrits. « Ah, Drousse, dit-il, j'envoie justement un télégramme à la gare. Quoi ? Vous voulez en envoyer un aussi ? Car je m'étais assis à la table où se trouvaient les formulaires. « Si vous ne trouvez pas que je prends une trop grande liberté, Rowland, dis-je soudain, j'aimerais inviter ici un de mes amis pour un jour ou deux. « 20 amis, si vous voulez, mon cher Drousse. Quel homme vous êtes de vous excuser pour une telle bagatelle ? Qui est cet ami spécial ? Nul autre que Eric Vandeleur, le médecin légiste de Westminster. « Quoi ? Vandeleur, l'homme le plus gai, le plus jovial que j'ai jamais rencontré ? « Acceptera-t-il de venir ?» Les yeux de Rowland pétillaient d'excitation. « Je le pense, surtout si vous m'autorisez à lui dire que vous l'accueilleriez avec plaisir. Dites-lui qu'il sera mille fois le bienvenu, qu'il aura la meilleure chambre de la maison, le meilleur cheval. Faites-le venir par tous les moyens, Drousse. » Nos deux télégrammes furent envoyés. Dans le courant de la matinée, des réponses affirmatives arrivèrent pour chacun. Ce soir-là, Madame Sarah débarqua. Elle vint par le dernier train. La berline fut envoyée à sa rencontre. Elle entra dans la maison peu avant minuit. Je me tenais dans le vestibule à son arrivée et je ressentis un plaisir momentané en la voyant sursauter lorsque ses yeux rencontrèrent les miens. Mais ce n'était pas femme à se laisser prendre au dépourvu. Elle s'approcha aussitôt de moi, la main tendue et d'une voix empressée. « C'est charmant, monsieur Drousse. Je ne crois pas que rien ne puisse me faire plus plaisir. » Puis elle ajouta, en se tournant vers Hollande, « Monsieur Dixon Drousse est un de mes très vieux amis. » Rowland me lança un regard perplexe. Madame Sarah se retourna et se mit à converser avec son hôtesse. Antonia se tenait près de l'un des salons ouverts. Elle portait une robe souple de soie vert pâle. J'avais rarement vu créature plus gracieuse. Mais l'expression de son visage me troubla. Elle avait maintenant le regard fasciné d'un oiseau hypnotisé par un serpent. Madame Sarah pouvait-elle être le serpent ? Antonia avait-elle peur de cette femme ? Le lendemain, Lady Kennedy va me faire une confidence. « Je suis heureuse que votre ami de la police vienne. Ce sera plus sûr. »« Vandeleur arrive à midi, » répondis-je. « Eh bien, j'en suis ravi. J'apprécie de moins en moins cette femme. J'étais stupéfaite quand elle a osé vous appeler son ami. »« Oh, nous nous sommes déjà rencontrés pour affaires, » répondis-je avec prudence. « Vous ne m'en direz pas plus, monsieur Drousse ? Vous voudrez bien m'excuser, Lady Kennedy ?»« Son assurance est sans borne. » poursuit la brave dame. Elle amenait une femme de chambre ou une garde malade avec elle, une femme à l'allure des plus extraordinaires. Cela peut-être est admissible, mais elle a aussi amené son serviteur noir, un arabe, qui se nomme Ahmed. Je dois dire que c'est une créature pittoresque avec son étrange costume oriental. Il était vêtu tout de jeune flamboyant ce matin, et la bordée de sa veste pour une petite fortune. Mais c'est l'audace de cette femme qui m'agace. Elle se conduit comme s'il était quelqu'un d'important. Elle est quelqu'un de très important. Ne puis-je m'empêcher de répondre? La société londonienne est à ses pieds. J'espère seulement qu'Antonia prendra ses remèdes et la laissera partir. Cette femme n'est pas la bienvenue chez moi, dit la maîtresse indignée de la folie Rowland. Je ne mis point Antonia ce matin-là, et à l'heure convenue, je descendis à la gare pour accueillir Vandeleur. Il arriva de fort bonne humeur, ne posa aucune question au sujet d'Antonia, reçut la nouvelle que Mme Sarah était dans la maison avec un silence stoïque, et parut entièrement absorbé par les plaisirs du moment. La folie Rowland, dit-il en regardant autour de lui, alors que nous approchions de l'une des plus belles demeures de tout le Yorkshire. Une folie, en réalité, pourtant une folie agréable, Drouce, n'est-ce pas? J'ai l'impression, ajouta-t-il avec un léger sourire, que j'ai passé un bon moment ici. J'espère que vous démêlerez un écheveau des plus embrouillés, fut ma réponse. Il haussa les épaules. Soudain, son attitude changea. Qui est cette femme? Dit-il avec une anxiété tout à fait perceptible dans la voix. Qui? Demandai-je. Cette femme, sur la terrasse, en tenue d'infirmière. Je ne sais pas. Elle a été amenée ici par Mme Sarah, une sorte de femme de chambre et de garde-malade. Je suppose que la pauvre petite Antonia sera confiée à ses soins. Ne la laissez pas me voir, Drouce, c'est tout. Ah, voici notre hôte. Vandeleur accéléra le pas, et l'instant d'après serra la main de Rowland. Le reste de la journée se passa sans aventure. Je ne vis pas Antonia. Elle n'apparut même pas au dîner. Rowland, cependant, m'assura qu'elle prenait un repos nécessaire et qu'il irait bien le lendemain. Il semblait enclin à la bienveillance envers Mme Sarah et était agacé par les manières de sa sœur vis-à-vis de leur invité. Peu après le dîner, alors que je me tenais dans l'un des fumoirs, je sentis une main légère sous mon bras et, me retournant, je rencontrai la silhouette magnifique et le regard audacieux vif et défiant de Mme Sarah en personne. « Monsieur Drouce, dit-elle, un instant seulement. Il est tout à fait normal que vous et moi soyons francs l'un envers l'autre. Je connais la raison de votre présence ici. Vous êtes venu dans le but de mes pieds et de gâcher ce que vous considérez comme mon jeu. Mais comprenez bien, monsieur Drouce, qu'il y a un danger pour vous-même lorsque vous vous mêlez des plans d'une personne comme moi. Un homme averti en vaut deux. » Quelqu'un entra dans la pièce et Mme Sarah la quitta. Nous n'étions plus qu'à une semaine du bal et les préparatifs pour le grand événement allaient bon train. Attenant à la maison, sur la gauche, se trouvait une grande salle construite à cet effet. Rowland et moi parcourions ces deux salles un matin particulier. Il commentait ses mérites architecturaux et me disait quel orchestre il comptait faire venir dans la galerie des musiciens quand Antonia se glissa dans la pièce. « Quand vous êtes pâle, petite Tonia, dit-il. » C'était le surnom qu'il aimait lui donner. Il mit sa main sous son menton, souleva son doux visage rougissant et la regarda dans les yeux. « Ah, vous voulez ma réponse ? Quelle petite chatte obstinée ! Vous aurez ce que vous voulez, Tonia. Oui, certainement. Pour vous, j'accorderai ce qui n'a jamais été accordé auparavant. » Mais que dira Milady ? Il haussa les épaules. « Mais vous me laisserez les porter, qu'elles soient fâchées ou non, » insista Antonia. « Oui, ma chérie, je vous l'ai dit. » Elle prit sa main et la porta à ses lèvres, puis avec une révérence, sortit de la pièce d'un pas léger. « Un oiseau rare et vif, » dit-il en se tournant vers moi. « Savez-vous, j'ai le sentiment d'avoir fait une chose extraordinairement bonne pour moi-même, en m'assurant la petite Antonia. Pas de belle-mère encombrante, pas de frères et sœurs qui ne sont pas les miens, mais que je devrais pourtant considérer comme telle, juste la belle enfant. Je suis très heureux et un homme très chanceux. Je suis content que ma petite n'ait pas d'histoire passée. Elle est juste un être adorable et délicat, ni plus ni moins. « Que vous voulait-elle à l'instant ? » demandai-je. « Petite sorcière, » dit-il en riant, « les perles, elle insiste pour porter le grand collier le soir du bal, chère petite. J'imagine comme ses babioles scintilleront et brilleront sur sa gorge délicate. » Je ne répondis rien, mais j'étais certain que la demande de la petite Antonia n'émanait pas d'elle-même. Je pensais chercher Vandeleur pour lui faire part de la nouvelle, mais la remarque suivante de Rowland coupa court à mon projet. À propos, votre ami a promis d'être de retour pour le dîner. Il est parti d'ici tôt ce matin. Vandeleur ? M'écriai-je. Oui, il est allé en ville. Quel type formidable !»« Il raconte de bonnes histoires, » répondis-je. « Excellent conteur, en effet, qui le soupçonnerait d'être le plus grand expert en criminologie de notre temps. Mais Dieu merci, nous n'avons pas besoin de ses services à la Folie Rowland. » Tard dans la soirée, Vandeleur revint. Il entra dans la maison juste avant le dîner. J'observai à l'éclat de ses yeux et à l'intense gravité de ses manières qu'il était satisfait de lui-même. C'est toujours bon signe dans son cas. Au dîner, il fut des plus brillants, courtois envers chacun et envers Madame Sarah en particulier. Tard cette nuit-là, alors que je m'apprêtais à me coucher, il entra dans ma chambre sans frapper. « Eh bien, Drousse, dit-il, tout est en ordre. »« En ordre ? » m'écriai-je. « Que voulez-vous dire ? Vous le saurez bientôt. » Dès l'instant où j'ai vu cette femme, j'ai eu des soupçons. J'étais en ville aujourd'hui pour faire quelques enquêtes très intéressantes. Je suis maintenant au courant de tout. Attendez-vous très bientôt à un dénouement des plus surprenants. Mais soyez sûr d'une chose, aussi sombre que soient les apparences, la petite fiancée est sauve et les perles aussi. Il me quitta sans attendre ma réponse. Le lendemain passa, puis le suivant. Je semblais vivre sur des charbons ardents. La petite Antonia était gaie et vive comme un oiseau. L'invitation de Madame Sarah avait été prolongée par Lady Kennedy sur ordre de Rowland jusqu'au lendemain du bal. La petite Antonia sauta de joie en l'apprenant. « Je l'aime bien, » dit la jeune fille. De plus en plus d'invités arrivaient. Les jours filaient à tire-d'aile, les soirées étaient animées. Madame Sarah était une puissance en elle-même. Vandeleur en était une autre. Ces deux-là, ennemis jurés dans le cœur, s'aidaient et s'encourageaient mutuellement pour que les choses se passent brillamment pour le reste des invités. Rowland était de la meilleure humeur. Enfin, la veille du bal arriva et passa. Le grand coup de Vandeleur n'avait pas eu lieu. Je me retirai pour la nuit comme à l'accoutumée. La nuit était orageuse, la pluie crépitait contre les vitres, le vent soupirait et frissonnait. Je venais d'éteindre ma bougie et m'apprêtais à chercher l'oubli dans le sommeil, quand une fois de plus, à sa manière abrupte, Vandeleur fit irruption dans ma chambre. « J'ai besoin de vous sur le champ, Drousse, dans la chambre de la domestique de Madame Sarah. Habillez-vous aussi vite que possible et rejoignez-moi là-bas. » Il quitta la pièce aussi brusquement qu'il y était entré. Je m'habillai à la hâte et à pas feutré, au cœur de la nuit, au son de la tempête toujours plus violente, je cherchai la chambre en question. Je la trouvai vivement éclairée. Vandeleur arpentait la pièce comme s'il était l'esprit même de la tempête. Et spectacle des plus étonnants, la garde malade que Madame Sarah avait amenée à la Folie Rowland, et dont je n'avais jamais entendu le nom, était bâillonnée et ligotée sur une chaise tirée au centre de la pièce. « Je pense donc que c'est tout, infirmière, » dit Vandeleur comme j'entrais. « Je vous en prie, prenez une chaise, Drousse. Nous nous comprenons parfaitement, n'est-ce pas, infirmière ? Et les faits sont d'une simplicité merveilleuse. Votre nom, tel qu'il est inscrit dans les archives criminelles de Westminster, n'est pas, comme vous l'avez déclaré, Mary Jessop, mais Rebecca Kurt. Vous vous êtes évadée de la prison de Portland dans la nuit du 30 novembre, il y a tout juste un an. Vous auriez pu réussir votre évasion sans la connivence de la dame au service de laquelle vous êtes maintenant. Votre crime était la contrefaçon, avec une tentative audacieuse et très déterminée d'empoisonnement. Votre victime était une dame invalide et inoffensive. Votre connaissance du crime est donc ce que l'on pourrait appeler étendue. Il vous reste encore 11 ans de votre peine à purger. Vous avez sans doute bien servi Madame Sarah, mais peut-être pouvez-vous mieux me servir encore. Vous connaissez les conséquences d'un refus, car je vous les expliquais franchement et clairement avant que ce monsieur n'entre dans la pièce. Drousse, vous m'obligeriez en fermant la porte à clé pendant que j'ôte le bâillon de la bouche de la prisonnière. Je me hâtai d'obéir. La femme respira plus librement une fois le bâillon retiré. Son visage était d'un rouge sombre sur toute sa surface. Ses yeux louches nous gratifièrent de nombreux regards fuyants. « Maintenant, ayez la bonté de commencer, Rebecca Kurt, » dit Vandeleur. « Dites-nous tout ce que vous pouvez. » Elle déglutit péniblement et dit. « Vous m'avez forcé. Passons sur ce point, » interrompit Vandeleur. « L'histoire, s'il vous plaît, Madame Kurt. » Si les regards pouvaient tuer, Vandeleur serait mort à cet instant. Il lui rendit en retour un regard doux et affable, et elle commença son récit. Madame Sarah connaît un secret sur Antonia Ripley. De quelle nature ? Il concerne ses origines. Qui sont ? La femme hésita et se tordit. Les noms de ses parents, s'il vous plaît, dit Vandeleur d'une voix froide comme la glace et dure comme le fer. Son père était italien de naissance. Son nom ? le comte Giolitti. Il était malheureusement marié et a poignardé sa femme anglaise dans un acte de jalousie quand Tonia avait 3 ans. Il était exécuté pour ce crime le 20 juin 1800 et quelques. L'enfant fut adopté et emmené hors du pays par une dame anglaise présente au tribunal. Elle s'appelait Madame Studley. Madame Sarah était également présente. Elle s'intéressait beaucoup au procès et eut une entrevue par la suite avec Madame Studley. Il fut convenu qu'Antonia porterait le nom de Ripley, le nom d'une vieille parente de Madame Studley, et que sa véritable identité et son histoire ne lui seraient jamais révélées. « Je comprends, » dit Vandeleur doucement. « C'est d'un profond intérêt, n'est-ce pas, Drousse ?» Je hochai la tête, trop absorbé à observer le visage de la femme pour trouver mes mots. « Mais maintenant, » poursuivit Vandeleur, « il y a des raisons pour que Madame Sarah change d'avis quant à garder l'affaire secrète, n'est-ce pas, Madame Kurt ?»« Oui, » dit Madame Kurt. « Ayez la bonté de continuer. Madame Sarah a un objectif, faire chanter la signora. Elle veut avoir la signora complètement en son pouvoir. Vraiment, y est-elle parvenue ?»« Oui. » »« Comment s'y est-elle prise ?»« Soyez très prudente sur ce que vous dites, s'il vous plaît. La méthode est subtile. » La jeune dame avait un grain de beauté ou une verrue disgracieuse sur le cou, juste sous la gorge. Madame Sarah enlevait le grain de beauté. Un procédé tout simple, je n'en doute pas, dit Vandeleur d'un ton négligent. Oui, cela s'est fait facilement, j'étais présente. On a conduit la jeune dame dans une chambre éclairée d'une lumière rouge. Les yeux extraordinaires de Vandeleur s'enflammèrent soudain. Il prit une chaise et la rapprocha si près de celle de Madame Kurt que son visage se trouva à 50 centimètres du sien. « Maintenant, vous allez bien faire attention à ce que vous dites, » remarqua-t-il. « Vous connaissez les conséquences pour vous, si ce récit n'est pas absolument fiable. » Elle se mit à trembler, mais continua. « J'étais présente lors de l'opération. Pas un seul rayon de lumière ordinaire n'était autorisé à pénétrer. La patiente fut mise sous chloroforme. Le grain de beauté fut enlevé. Ensuite, Madame Sarah a écrit quelque chose sur son cou. Les mots étaient très petits et nettement tracés. Ils formaient une croix sur le cou de la jeune dame. J'ai su plus tard ce qu'ils étaient. Répétez-les, je ne peux pas. Vous le saurez au moment de la victoire. Je choisis de le savoir maintenant. Un détective de ma division à Westminster vient ici demain matin de bonne heure. Il apporte des menottes et... Je vais vous le dire, interrompit la femme. Les mots étaient ceux-ci. Je suis la fille de Paolo Giolitti. Tu fus exécuté pour le meurtre de ma mère le 20 juin 1800. Comment les mots ont-ils été écrits? Au nitrate d'argent. Démon, murmura Vandeleur. Il se leva d'un bond et se mit à arpenter la pièce. Je n'avais jamais vu son visage aussi sombre d'une rage incontrôlable. Vous savez ce que cela signifie, me dit-il enfin. Le nitrate d'argent ronge la chair et est permanent. Une fois exposé à la lumière, l'affaire est sans espoir et l'enfant sans défense devient son propre bourreau. L'infirmière leva les yeux, agitée. « L'opération a été réalisée dans une pièce à la lumière rouge, dit-elle, et jusqu'à présent les mots n'ont pas été révélés. À moins que la jeune dame n'expose son cou au rayon bleu de la lumière ordinaire, ils ne le sauront jamais. Afin de lui donner une chance de garder son terrible secret, Madame Sarah fait tailler et préparer une grande escarboucle du rouge le plus profond. Elle a la forme d'une croix et est suspendue à un fil d'or fin, presque invisible. » La signora doit la porter lorsqu'elle est en grande toilette. Elle tiendra en place, car le dos de la croix sera saupoudré de gomme. Mais le but de Madame Sarah ne peut être de cacher les mots fatidiques, dit Vandeleur, ou dissimuler quelque chose, infirmière. Son visage devint d'un rouge lait. Après une pause, les mots suivants sortirent avec une grande réticence. La jeune dame porte l'escarboucle en récompense. Ah ! Dit Vandeleur. « Maintenant, nous commençons à y voir clair. En récompense de quoi ?»« Madame Sarah veut quelque chose que la signora peut lui donner. C'est une affaire d'échange. L'escarboucle qui cache le secret fatal en échange de ce que la signora peut donner à Madame Sarah. »« Je comprends, » dit Vandeleur. « Vraiment, Drousse, je me sens privilégié de dire que de toutes les créatures malveillantes... » Il s'interrompit brusquement. « Peu importe, nous retenons l'infirmière. Infirmière... Vous avez répondu à toutes mes questions avec une exactitude louable. Mais avant que vous ne retourniez à un repos bien mérité, j'ai une dernière information à vous demander. Était-ce entièrement par le fait du désir de Miss Ripley, ou était-ce sous la demande de Madame Sarah que la jeune dame a demandé l'autorisation de porter le collier de perles le soir du bal? Vous avez bien sûr entendu parler du collier de perles, infirmière. » Le visage de Rebecca Kurt montra qu'elle en avait sans aucun doute entendu parler. « Je vois que vous connaissez cette histoire des plus intéressantes. Maintenant, répondez à ma question. La demande de porter le collier demain soir a été suggérée par Madame Sarah, n'est-ce pas ?»« Ah oui, oui !» s'écria la femme, emportée par une excitation soudaine. « C'est vers ce résultat que tout le reste tendait, tout, tout !»« Merci, cela suffira. Vous comprenez qu'à partir de ce jour, vous êtes absolument à mon service. Tant que vous me servirez fidèlement, vous serez en sécurité. » « Je ferai de mon mieux, monsieur, » répondit-elle d'un ton modeste, les yeux baissés vers le sol. Dès que nous fûmes seuls, Vandeleur se tourna vers moi. « Les choses se simplifient, » dit-il. « Je ne parviens pas à comprendre, » répondait-il. « Je dirais plutôt que les complications et les plus alarmantes abondent. Néanmoins, je vois clairement ma voix, Drousse. Il n'est pas bon pour vous de veiller si tard. Mais afin que vous puissiez reposer tranquillement en regagnant votre chambre, je vais vous dire franchement ce que je m'apprête à faire demain. Le plan le plus simple serait de tout dire à Roland, mais pour diverses raisons, cela ne me convient pas. Je m'intéresse à la petite, et s'il choisit de dissimuler son secret, pour le moment, souvenez-vous, elle ne le connaît pas, mais on dira certainement tout à la pauvre enfant demain. Je n'ai pas l'intention d'interférer. En second lieu, je suis désireux de tendre un piège à Madame Sarah. Or, deux choses sont évidentes. L'objectif de Madame Sarah en venant ici est de voler les perles. Son plan est de terrifier la petite signora pour qu'elle les lui donne afin que les mots diaboliques écrits sur le cou de l'enfant ne soient pas vus. Comme la signora doit porter une robe décolletée demain soir, elle ne peut cacher les mots qu'au moyen de l'escarboucle rouge. Madame Sarah ne lui donnera l'escarboucle que si en échange elle lui donne les perles, vous comprenez ? Oui, répondis-je lentement. Il se redressa de toute sa haute mince-taille et ses yeux s'emplirent d'une joie contenue. Le cou de l'enfant était marqué au nitrate d'argent. Néanmoins, tant qu'il n'est pas exposé aux rayons bleus de la lumière, les mots funestes et diaboliques n'apparaîtront pas sur sa gorge blanche. Une fois qu'ils apparaîtront, ils seront indélébiles. Maintenant, écoutez. Madame Sarah, avec toute sa ruse, a oublié quelque chose. À l'action du nitrate d'argent, il existe un antidote. Ce n'est rien de plus ni de moins que notre vieil ami le cyanure de potassium. Demain, l'infirmière, sous mes instructions, emmènera la petite patiente dans une pièce soigneusement préparée avec cette odieuse lumière rouge et baignera le cou juste là où sont écrits les mots funestes avec une solution de cyanure de potassium. Le nitrate d'argent sera alors neutralisé et les lettres n'apparaîtront jamais. Mais l'enfant ne le saura pas. La terreur face aux menaces de Madame Sarah pèsera sur elle et elle échangera les perles contre la croix. Je ne pense pas, car je serai là pour l'en empêcher. Maintenant, Drousse, je vous ai tout dit ce qui est nécessaire. Allez vous coucher et dormez tranquillement. Le lendemain matin se leva maussade et sombre, mais la violente tempête de la nuit précédente était terminée. Les ravages qui avaient eu lieu, cependant, dans le parc majestueux étaient manifestes, car des arbres avaient été déracinés et certains des plus grands et des plus imposants chênes avaient été privés de leurs plus belles branches. La petite Miss Ripley n'apparut pas de toute la journée. Je ne fus pas surpris de son absence. Le moment était sans doute venu où Madame Sarah jugeait nécessaire de divulguer son plan horrible à la malheureuse enfant. Au milieu de cette maisonnée joyeuse, personne ne remarqua particulièrement son absence. Même Rowland était occupé par de nombreuses affaires importantes et avait peu de temps à consacrer à sa future épouse. La salle de bal, décorée de fleurs fraîches, était un spectacle magnifique. Vandeleur, notre hôte et moi, arpentions la longue salle. Rowland était en grande effervescence, faisant de nombreuses suggestions, modifiant telle décoration et telle autre. Les fleurs étaient trop profuses à un endroit, trop rares à un autre. Les lumières aussi n'étaient pas assez vives. « Par tous les moyens, que la salle de bal soit bien éclairée, » dit Vandeleur. « Dans une pièce comme celle-ci, si grande, et avec tant de portes menant à des couloirs et à des petits salons, il est bon que la lumière soit aussi brillante que possible. Vous me pardonnerez ma suggestion, monsieur Rowland, quand je vous dirai que je parle entièrement du point de vue d'un homme qui a une certaine connaissance des agissements perfides du crime. » Rowland sursauta. « Craignez-vous qu'une tentative soit faite ici ce soir pour voler le collier ? » demanda-t-il soudain. « N'en parlons pas, » répondit Vandeleur. « Agissez selon ma suggestion et vous n'aurez rien à craindre. » Howland haussa les épaules et, traversant la pièce, donna quelques instructions à plusieurs hommes qui mettaient la dernière main à l'ouvrage. Près de 100 invités étaient attendus des environs et la maison était aussi pleine qu'elle pouvait l'être. Howland devait ouvrir le bal avec la petite Antonia. Il n'y eut pas de dîner tardif ce jour-là et, à l'approche du soir, Vandeleur me chercha. « Dites-moi, Drousse, habillez-vous le plus tôt possible et venez me retrouver dans le cabinet de notre hôte. » Je le regardais avec étonnement, mais ne le questionnais pas. Je vis qu'il était intensément agité. Son visage était froid et sévère. Il arborait invariablement cette expression lorsqu'il était très ému. Je me hâtai d'enfiler mes habits de soirée et redescendis. Vandeleur se tenait dans le cabinet, parlant à Howland. Les invités commençaient à arriver. Les musiciens s'accordaient dans la salle de bal adjacente et des signes d'empressement et de fête envahissaient tout le lieu. Howland était de la meilleure humeur et paraissait très bel homme. Lui et Vandeleur conversaient et je me tenais un peu à l'écart. Vandeleur s'apprêtait à faire une réponse légère à l'une des questions de notre hôte quand nous entendîmes le froufrou d'une robe dans le couloir et la petite Antonia, vêtue pour son premier bal, entra. Elle était en douce dentelle blanche et son cou et ses bras étaient nus. L'effet de son entrée était quelque peu saisissant et aurait attiré l'attention même si nous n'étions pas tous particulièrement intéressés par elle. Son visage, son cou et ses bras étaient presque aussi blancs que sa robe. Ses yeux sombres étaient très dilatés et ses doux cheveux noirs entouraient son petit visage comme une ombre. Au milieu de cette blancheur, une grande croix rouge étincelait sur sa gorge comme un feu vivant. Howland poussa une exclamation puis s'immobilisa. Quant à Vandeleur et moi, nous retenions notre souffle. Qu'allaient donc nous révéler les prochaines minutes? C'était le regard sur le visage d'Antonia qui éveillait nos craintes. Qu'avait-elle? Elle s'amançait comme une aveugle ou comme une somnambule. Elle tendait légèrement une main en avant comme si elle voulait se guider par le toucher. Elle ne vit certainement ni Vandeleur ni moi, mais lorsqu'elle arriva près de Howland, l'expression d'aveuglement quitta ses yeux. Elle poussa un cri soudain, excessivement amer, et courut se jeter dans ses bras. « Embrassez-moi une dernière fois, avant que nous nous séparions pour toujours, » dit-elle. « Ma chère petite, l'entendis-je répondre, que signifie tout cela? Vous n'êtes pas bien? Allons, Antonia, cessez de trembler. Avant que nous nous séparions, ma chère, mais il n'est pas question de se séparer. Laissez-moi vous regarder, ma chérie. » Il la tint un bout de bras et la contempla d'un œil critique. « Aucune jeune fille ne pourrait être plus ravissante que vous, Antonia, » dit-il. « Vous êtes venue maintenant pour la touche finale, les magnifiques perles. »« Mais qu'est-ce ceci, ma chère? Pourquoi gâcher votre cou blanc avec quelque chose d'aussi incongru? Laissez-moi l'enlever. » Elle portait la main à son cou, couvrant ainsi la croix vermeille. Puis ses yeux égarés rencontrèrent ceux de Vandeleur. Elle sembla remarquer sa présence pour la première fois. « Vous pouvez l'enlever sans crainte, » lui dit-il, parlant à mi-voix. Howland lui jeta un regard étonné. Son regard semblait dire « Laissez-nous », mais Vandeleur ne bougea pas. « Nous assistons à la fin de l'affaire, » me dit-il. Pendant ce temps, le bras de Howland entourait le cou d'Antonia et sa main cherchait le fermoir du mince fil d'or qui maintenait la croix en place. « Un instant, » dit Antonia. Elle recula d'un pas. Le tremblement dans sa voix la quitta. Elle reprit de la force. Sa peur fit place à la dignité. C'était l'heure de sa plus profonde humiliation, et pourtant elle paraissait noble. « Mon très cher, » dit-elle, « mon plus gentil et meilleur ami, j'avais cédé à la tentation. La terreur m'a rendu faible, la crainte de vous perdre m'a désemparé. Mais je ne viendrai pas à vous charger d'un péché sur ma conscience, je ne vous cacherai rien. Je sais que vous ne voudrez plus de moi pour épouse à présent, néanmoins vous saurez la vérité. Que voulez-vous dire, Antonia? Que signifient vos étranges paroles? Êtes-vous folle? S'inquiéta George Howland. Non, je voudrais l'être, mais je ne suis pas une épouse pour vous. Je ne peux pas apporter le déshonneur sur votre nom. Madame Sarah dit que cela pouvait être caché, que ceci, elle touche à la croix, le cacherait. Pour cela, je devais payer, oui, payer un prix honteux. J'ai consenti, car la terreur était si cruelle. Mais je suis venu ici, et je regardais votre visage, et je n'ai pas pu le faire. Madame Sarah reprend sa croix rouge sang, et vous saurez tout, vous verrez. » D'un geste féroce, elle arracha la croix de son cou et la jeta sur le sol. « Les perles, pour cela, » s'écria-t-elle, « les perles étaient le prix, mais je préfère que vous sachiez. Mettez-moi sous la lumière la plus vive, et vous verrez par vous-même. » Le visage de Howland arborait une expression impossible à déchiffrer. La Croix-Rouge gisait sur le sol. Les yeux d'Antonia étaient fixés sur les siens. Elle n'était pas une enfant à amadouer. Elle était une femme et le désespoir la rendait folle. Quand elle dit « Venez-moi sous la lumière la plus vive », il prit sa main sans un mot et la conduisit là où les pleins rayons d'une puissante lumière électrique éclairaient l'endroit comme en plein jour. « Regardez !» S'écria Antonia, « Regardez ! Madame Sarah l'a écrit, ici, ici !» Elle désignait sa gorge. « Les mots sont cachés, mais cette lumière les fera bientôt apparaître. Vous verrez par vous-même, vous saurez la vérité. Enfin, vous comprendrez qui je suis vraiment. » Il y eut un silence de quelques minutes. Antonia continuait de montrer son cou. Les yeux de Rowland étaient fixés dessus. Après une période d'agonie à couper le souffle, Mandler s'avança. « Miss Antonia, vous avez assez souffert. Je suis en mesure de soulager vos terreurs. Vous ne vous doutiez guère, Rowland, que depuis quelques jours, je me suis permis une liberté extrême à votre égard. J'étais dans votre maison uniquement et exclusivement dans l'exercice de mes fonctions professionnelles. Dans l'exercice de mes devoirs manifestes, j'ai découvert un secret macabre. Miss Antonia devait être soumise à une épreuve cruelle. Madame Sarah, pour des raisons qui lui sont propres, avait inventé l'un des complots les plus diaboliques qu'il m'était donné de rencontrer dans ma malheureuse carrière. Mais je suis arrivé à temps. Miss Antonia, vous n'avez rien à craindre. Votre coup ne recèle aucun secret horrible. Écoutez, je vous ai sauvé. L'infirmière que Madame Sarah croyait dévouée à son service a jugé préférable, pour des raisons de prudence, de se transférer au mien. Sous mes instructions, elle a baigné votre cou aujourd'hui avec une préparation de cyanure de potassium. Vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est une préparation chimique qui neutralise l'effet de ce que cette horrible femme vous a fait. Vous n'avez rien à craindre, votre secret repose enfoui sous votre peau blanche. Mais quel est ce mystère, dit Rowland. Vos actions, Antonia, et vos paroles, Vandeleur, sont à rendre un homme fou. De quoi s'agit-il? Je veux savoir. Miss Ripley peut vous le dire ou non, comme il lui plaira, répondit Vandeleur. La malheureuse enfant devait être victime d'un chantage. L'objectif de Madame Sarah étant de s'emparer du collier de perles valant la rançon d'un roi. La croix devait être donnée en échange du collier. Tel était son but, mais elle est défaite. Ne me posez pas de questions, monsieur. Si cette jeune dame choisit de vous le dire, fort bien, mais sinon, le secret lui appartient. Mandler s'inclina et recula vers moi. Le secret est mien, s'écria Antonia, mais il sera aussi vôtre, Georges. Je ne serai pas votre femme avec cet horrible secret entre nous. Vous ne me parlerez peut-être plus jamais, mais vous saurez toute la vérité. Ma parole, cette fille est courageuse et mérite le respect, murmura Vandeleur. Venez, Drousse, notre travail en ce qui concerne Miss Antonia est terminé. Nous quittâmes la pièce. Maintenant, allons voir Sarah, poursuivit mon ami. Allons à ses appartements. Les murs ont des oreilles dans son cas. Elle connaît sans doute déjà tout le dénouement. Mais nous la trouverons sur le champ. Elle ne peut guère s'être encore échappée. Il monta les escaliers en courant. Je le suivis. Nous allâmes de corridor en corridor. Enfin, nous trouvâmes les appartements de Madame Sarah. La porte de sa chambre était grande ouverte. Rebecca Kurt se tenait au milieu de la pièce. Madame Sarah elle-même était introuvable, mais tout indiquait un départ précipité. « Où est Madame Sarah ?» s'enquit Vandeleur d'une voix péremptoire. Rebecca Kurt haussa les épaules. « Est-elle descendue ? Est-elle dans la salle de bal ?»« Parlez !» dit Vandeleur. L'infirmière haussa de nouveau les épaules. « Je sais seulement qu'Achmed Larab s'est précipité ici il y a quelques minutes, » fut sa réponse. « Il était agité. Il a dit quelque chose à Madame Sarah. Je pense qu'il écoutait aux portes. Madame Sarah était convulsée de rage. Elle a rassemblé quelques affaires et elle est partie. Peut-être pourrez-vous la rattraper. » Le visage de Vandeleur devint blanc. « Je vais essayer. Ne me retenez pas, Drousse. » Il partit en courant. J'ignore les mesures immédiates qu'il prit, mais il ne revint pas à la folie Rowland. Madame Sarah ne fut pas non plus capturée. Mais malgré sa fuite et son crime prémédité, malgré l'heure de terreur de la petite Antonia, le bal se déroula joyeusement, et la future mariée l'ouvrit avec son futur époux. À son cou délicat scintillaient les perles ravissantes dans leur doux lustre. Ce qu'elle dit à Rowland ne fut jamais su. Comment il prit la nouvelle est un secret entre Antonia et lui-même. Mais une chose est certaine, nul ne fut plus galant dans sa conduite, plus ardent dans ses regards amoureux, que le maître de la folie Rowland cette nuit-là. Ils se marièrent le jour fixé, et Madame Sarah fut vaincue. C'était La Croix écarlate par Lily Thomas Mead et Robert Stace.